connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Papa la maille, yon doye bi mote mananga y pona yo. Yon doye bi papa sina mona pona yo. Yon doye bi kocho la macho la ngay pona yo. Yeswe ye ye ye. Où irais-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es haut, au-delà de la voile, papa, tu vois ça, mais mets au fond de l'abîme. Kona yo e, moli mola yo na motema, na kima ko abio. Moli mola yo na motema, na kima ko abio. Yesu ye ye ye ye. Nyonga koyo wa monene, kope sabo mo ina yo Yesu. Mola nga azambeo, na koko kate kofuta nyongo na yo e. Tindanga ingolinga iloba la yoe yangwe ko tindanga ikomona pasi pola zela na yoe yeswe ye ye ye nyanga oyo monene kopesa bomo ina yo yesu pola nga zambe o na koko kate kofuta nyongo la yoe nga ina kokate kofuta nyongo la yoe. Yango koti ndanga ikolinga iloba na yoe. Yango koti ndanga ikomola pasi pola zela na yo. Yeswe ye ye. Kumbaba libanga la talo. Papa langa ye. Ikonzi na moto te. Kumbali kikawe. Akango linga yawe. Yawe libanga la talo. Yawe kumama. Kumbali kitoko papa. Motima mwanga motondi na mawa. Motima mwanga motondi na mawa. Motema oyanga motema. Motima mwanga motondi na mawa. Motima mwanga motondi na mawa. Motema oyanga motema. Bila bateo mawala ngae ya bozwi pete mawala ngae ya lilo baya we oyelo binza mbela ngae na komo la teo na bombo inanga apapa motema e motema mwanga moto ndina mawa motema mwanga moto ndina mawa e motema oyangai motema e. Projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés. Oh, oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés. Oh, oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde, oh Seigneur, je t'en supplie, oh. papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Ne m'aimez pas dans les choses du monde, oh. Seigneur, je t'en supplie. Oh. Mama libanga ya talo e papa la lola e mama sunga koka mwaseo e ya we kumama ngo bango loko talo lobaki eli e la masa batali e ya we obaki sakini susu polanga mama tuteta kwa mama.